François, moi je m'occupe de ce lieu ici. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On est dans notre 10e année où le fond de notre activité, en fait, c'est de pas que de s'interroger, mais essayer de stimuler un peu les rapports entre la citoyenneté et la créativité. Voilà, parce qu'on est persuadé ici que si on n'est pas dans une posture créative permanente, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà, donc sur ce principe-là, on accueille des artistes et des mouvements citoyens depuis 10 ans. Notre propos, c'est d'être une vitrine, en fait, de là où on en est. C'est-à-dire qu'on est des non-programmateurs, c'est-à-dire qu'on n'emmène pas le contenu là où on aimerait. On accueille tous les gens qui sont dans des démarches alternatives, je dirais, et qui sentent chez eux ici. Donc ils ont le droit de venir travailler ici. L'accueil est gratuit. Et donc je termine en disant que ce qu'on a besoin, nous, ici, c'est d'être envahis. Ce lieu, on l'a trouvé par hasard il y a 10 ans. On l'a envahi et il est fait pour être envahi.